Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les grandes horizontales. Les Folies Bergères, à leur début, ont été un peu une école de la galanterie. Et toutes les grandes demi-mondaines, les Émiliennes d'Alençon, les Lianes de Pougy, la Belle Otero... étaient danseuses. Elles étaient danseuses. Et c'est là qu'elles ont débuté. Pour le journaliste mondain James de Coquet, qu'on entend à l'émission Présent en 1998, il ne fait aucun doute que les Folies Bergères seront un véritable tremplin pour beaucoup de ces demi-mondaines qu'on appellera aussi les horizontales et qui feront la pluie et le beau temps dans le Paris de la Belle Époque. On était tous gosses en ce temps-là. Et dame, ça nous rajeunit pas. Tu dois te souvenir, Titine, de la galette qui abrita nos premières amourettes. À ce moment-là, t'avais 15 ans. On se fréquentait depuis longtemps. Depuis toujours, depuis la maternelle. Parce que c'est loin, mais pourtant, je me rappelle. J'avoue franchement, c'était le bon temps. On est jeune, on est inconscient. L'alcôve, c'est le chic du chic. C'est la fille qui a l'immense avantage de pouvoir exercer son métier chez elle et qui en plus choisit ses clients. Elle peut aussi allumer les désirs de gens extrêmement importants dans les hautes sphères de la société. On l'appellerait une courtisane ? Oui, une demi-mondaine, une courtisane, une allongée, une horizontale. Tous ces termes-là étaient utilisés. Elle est généralement très très belle. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit très intelligente, très mutine, très coquine, très turbulente. Donc il faut savoir tenir un salon, il faut savoir inviter, il faut savoir faire des dîners, assembler les gens. Généralement, c'est des filles de ruisseau. Hein. C'est vraiment des filles qui partent de rien, qui sont très malines, des filles du peuple, qui sont une espèce d'étoiles flamboyantes, qui sont, moi, que j'admire énormément, parce qu'elles ont beaucoup de rouerie, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'éclat. Et c'est des filles qui vont arriver au sommet absolu de la richesse qui, en l'espace d'un ou deux ans, alors qu'elles vivaient misérablement dans des chambres de bonnes, vont se retrouver à la tête d'hôtels particuliers, avec des dizaines et des dizaines de domestiques, des attelages, des dorures, des bijoux, des fourrures, sorties tous les soirs, le bois... les plus grands hommes politiques à leur table, etc. Et puis qui, généralement, au bout de 10-15 ans, vont se retrouver dans une misère noire, abandonnées de tous et de toutes. Elles distribuent l'argent, elles doivent penser d'ailleurs qu'elles n'ont pas tellement de mérite à le gagner, donc elles le distribuent généreusement, mais tout le monde les oubliera. La dernière pensée pour vous. Sur une chanson de Kiki de Montparnasse, grande horizontale elle-même, vous entendiez l'auteur et animatrice Laure Adler à l'émission Au fil du temps en 1990. Pour nous parler de ces grandes horizontales de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Évelyne, pour bien comprendre ce phénomène des horizontales, il faut d'abord comprendre le Paris de cette époque, de la belle époque, ce Paris de la fin 19e, début 20e. À quoi ressemble ce Paris-là? C'est un Paris de divertissement. C'est le Paris des artistes. C'est là où tous les artistes se rassemblent. C'est le Paris de l'opium, c'est le Paris de l'absinthe, c'est le Paris des grands cabarets. Donc, on le dit tout à l'heure dans l'extrait Les Folies Bergères, c'est le Moulin Rouge, mais c'est aussi le Sphinx. Ce sont des grandes salles de spectacle. À une époque où... si on veut du divertissement, ben il faut se déplacer. Il faut aller dans les salles de spectacle et tout ça. Mais c'est aussi un Paris où autant l'homme riche, celui qui... s'il est industriel et qu'il n'est pas de la noblesse, veut montrer qu'il a fait fortune, doit arriver avec un étalage de sa richesse par ses attelages, mais aussi par celle qui l'accompagne. La dame, la femme, peut avoir un statut qui est différent. Donc, on commence à avoir le monde des bordels qui sont très populaires. En fait, pourquoi Paris attire autant? C'est que la prostitution, contrairement à l'Angleterre et l'Espagne, y est légale. Alors, à la Belle Époque, on parle d'à peu près 200 maisons closes légales. Il y a même un guide touristique qui s'appelle le Guide Rose. Donc, vous pouvez vous y promener. C'est pour ça que Toulouse-Lautrec était capable de peindre aussi bien aussi cet univers-là. Et c'est ce que le fils Alexandre Dumas fils va appeler le demi-monde dans une pièce de théâtre aussi. C'est comme un autre univers. Et il y a ces femmes qui sont dans les maisons closes. Donc, pourquoi? C'est qu'on contrôle la syphilis. Elles sont vues par des médecins et tout ça. Donc, il y a une différence avec la femme de rue. Mais il y a aussi la femme qui... peut offrir des services sexuels, mais qui est surtout, en fait, un trophée qu'on va pouvoir pavaner dans les rues. Et là, elles deviennent plus des cocottes ou des grandes horizontales. Donc, c'est deux mondes un peu parallèles. Celui des bordels qui sont fréquentés autant par les hommes de la haute que de la moins haute, mais aussi ce trophée que devient la prostituée de luxe. Sans vouloir faire vulgaire, ce sont des putes de luxe, là. C'est allongées, ces horizontales. Mais ce qu'il y a de particulier, encore une fois, pour revenir sur ce pari, le pari de cette époque, c'est que, bon, il y a ce libertinage, ces mœurs très libérales que vous décrivez. Ça fait partie de cette vie sociale à Paris, mais c'est particulier à Paris, d'autres grandes capitales. Il y a là un sans-gêne. On se promène au bras, on va au bordel, ou on se promène au bras de ces mondaines, de ces demi-mondaines, de ces horizontales, ouvertement, et même, c'est bien vu. Oui, il faut leur donner des bijoux et tout ça pour montrer qu'on a de l'argent. Ils servent à faire paraître, en fait, votre fortune. Donc, si vous êtes un roi de Belgique, un prince, un duc de Russie, d'Allemagne, c'est le monde entier, l'Europe surtout, à ce moment-là, qui se déplace à Paris pour faire l'étalage de leur fortune. C'est là que se brassent les affaires, c'est là que se prennent de grandes décisions politiques internationales aussi. C'est une époque sensible, il faut dire, avec ce qui se passe en Italie, même en Angleterre, avec tout ce qui se passe pour du commerce asiatique, avec les Indes et tout ça. C'est une immense plateforme. Et vous avez des industriels et des bourgeois qui font fortune, qui veulent entrer dans cet univers qui était jadis réservé à la noblesse. Et c'est là, en fait, que ça se produit. Ces hommes-là vont entretenir des femmes d'une beauté époustouflante, mais pour montrer qu'ils sont riches, vont les pavaner avec des bijoux, une quantité impressionnante de bijoux, pour dire non seulement j'ai les moyens d'être avec elles, mais regardez comment j'arrive à la parer aussi. Donc, elle est mannequin un peu de la fortune de l'homme qui l'entretient en même temps. Et celles qui atteignent ce niveau, là, ces prostituées de luxe, on les appelle les cocottes, les demi-mondaines, les allongées, les horizontales. Pourquoi les horizontales? Les horizontales, on va les distinguer de plus en plus des cocottes en histoire, parce que la cocotte peut recevoir chez elle, dans un petit appartement quand même coquet, où elle entretient quelques hommes, l'homme passe, des fois même elles ont un rideau, là, elle s'amuse avec un, il sort par une porte, puis l'autre attend de côté sans trop savoir ce qui se passe. L'horizontale, c'est vraiment la maîtresse de luxe. Donc, elle a un protecteur. Il lui paie des hôtels particuliers où elle reçoit dans des salons et elle va l'accompagner à toutes les pièces de théâtre, dans tous les restaurants et tout ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle des grandes horizontales. Parce qu'on va dire, vous vous pavanez très belle parce que vous êtes très belle et c'est ce qui vous distingue de la prostituée avec vos grandes robes, vos grands bijoux, vos grands attelages payés par vos protecteurs. Mais le soir venu, vous êtes exactement comme la prostituée. Vous allonger, d'où le surnom de grandes horizontales, parce qu'elles étaient dans un statut social beaucoup plus élevé, mais elles faisaient exactement ce qu'une prostituée aurait fait. Le soir, l'homme attend de pouvoir coucher avec la demoiselle. Voilà. On en avait un petit aperçu dans cet extrait qu'on entendait de Laure Adler, mais en quelques mots, à quoi ressemble la vie de ces femmes? Mais la vie de ces femmes, ce sont souvent des femmes, elle le disait, qui venaient des ruisseaux, sauf exception, ce sont des femmes qui arrivent de milieux qui sont très durs. Elles arrivent d'Angleterre, elles arrivent d'Espagne, elles sont pas toujours françaises, en fait rarement françaises, donc c'est ce qui leur donne un petit atout. Elles ont un accent et une apparence exotique, contrairement à la française, qui des fois leur donne un avantage. Et ces femmes-là, souvent, ont des proxénètes qui les amènent à Paris parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent avec elles. Et là, le destin souvent va jouer. Elles vont entrer aux Folies Bergères, au Moulin Rouge pour danser. C'est l'époque de la photographie. Il faut vraiment pas oublier ça. Où là, les photographes veulent faire des cartes postales de très belles femmes pour vendre aux Britanniques qui, eux, n'ont pas le droit vraiment d'avoir accès à tout ça. Ça s'envoie en douce vers l'Angleterre. Alors, souvent, elles ont la chance de pouvoir être sorties du milieu du proxénétisme pour arriver dans un milieu un petit peu plus aisé parce que le protecteur en question, ben là, va leur donner un mode de vie qui est terriblement luxueux. Donc, souvent, elles arrivent de nulle part, mais elles ont un talent pour danser, pour chanter, pour mettre le corps en valeur que souvent... Pour faire la conversation. Qu'une femme, souvent, peut-être, qui a juste été éduquée à être actrice, aura peut-être pas. Ouais. Donc, elles savent, elles veulent s'en sortir et elles vont mettre les moyens. Et c'est la grande vie, là, pendant quelques années. Ah oui, on leur paye des hôtels particuliers, des chevaux, elles ont des bijoux en quantité industrielle, jamais la même robe à une époque où ça coûte quand même encore très cher se faire faire des vêtements, et elles reçoivent les plus hautes têtes diplomatiques du pays, alors que pourtant, elles font le même métier, quand on y pense, que la demoiselle de la maison close. Donc, c'est exceptionnel comme mode de vie. Mais ce qui est différent, bien sûr, c'est qu'elles ont accès, elles fréquentent, elles côtoient très étroitement des hommes de pouvoir, des hommes riches, qui nous amènent à réfléchir sur le genre de pouvoir qu'elles ont, pouvoir d'influence à tout le moins, ces femmes qui côtoient de si près ces hommes puissants. On écoute l'historien français Guy Breton nous raconter une anecdote qui concerne Cléo de Mérode à l'émission Horizon, en 1971. Nous devons le mettre au Politain à Cléo de Mérode. Lorsque M. Fulgence Bienvenu, qui avait eu l'idée de ce métropolitain, est venue apporter son projet au conseil municipal de Paris. Le conseil municipal de Paris, elle n'a pas aimé du tout ce projet. Pas du tout, il a dit que c'était ridicule, si l'on faisait des tunnels sous Paris, oui, les maisons s'effondreraient et ce serait catastrophique. Ça a été refusé. Monsieur Fulgence Bienvenu a parlé de son projet à différentes personnes et c'est venu aux oreilles de Cléode Mérode. Et Cléode Mérode en a parlé à son souverain bien-aimé, qui est Léopold de Belgique. Il a trouvé ça très bien et lui a dit « Il faut absolument faire quelque chose. Je trouve que cette invention est merveilleuse. Il faut aider M. Fulgence Bienvenu. » Et c'est le roi des Belges qui a insisté et par notre ministre du Baron Empain qui a fait se constituer une société qui est devenue la Société de la Compagnie du Métropolitain. Donc nous devons à Cléode Mérode notre métro. Vous voyez que c'est une femme fatale. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie, Évelyne Ferron, mais plus largement, en tout cas, ça nous en dit déjà un peu sur... elles ont un réel pouvoir d'influence, ces femmes. Oui, surtout sur des hommes comme Léopold. Léopold de Belgique, je ne suis pas très surprise de l'anecdote. En fait, il était, on va dire, assez influençable lorsque la gente féminine était en question. Oui, elles ont un pouvoir d'influence parce que si elles ont la chance de coucher avec les hommes autant industriels que des hommes de la noblesse qui sont à une époque où ça tire les ficelles de tous les côtés pour avoir un monopole économique, faire du profit. Mais c'est aussi, on parle du métro, la modernisation des grandes capitales aussi en Europe à ce moment-là. Ces femmes-là ont la chance des fois de coucher avec autant un homme politique qu'avec un industriel. Ils vont faire le pont entre les deux. Et on les entretient, on espère qu'elles le fassent aussi. Entremetteuses professionnelles et largement payé pour le faire. Donc, souvent, si un industriel se dit « Oui, bon, ben là, on aimerait savoir un contrat pour pouvoir utiliser notre acier en particulier. » Parce que c'est vraiment à cette époque-là où on commence à utiliser différents types de produits. On essaie le verre. Bon, ben, il va dire « Es-tu capable? Je sais que tu fréquentes aussi tel personnage politique. Es-tu capable de parler avec lui et d'essayer de lui faire voir mon point de vue? » Donc, par les charmes, par la gentillesse, par le rire, puisque c'est pas présenté comme dans le monde des hommes. Il y a ça aussi. C'est que la femme, surtout de cette époque-là, a une approche qui est beaucoup plus gaie, joyeuse en apportant les projets. Les hommes, entre eux, ont une tendance à négocier de façon plus durement. C'est souvent ce qui va leur donner ce pouvoir de pouvoir changer parfois des décisions politiques ou des décisions économiques. Alors, on va parler dans les minutes qui viennent de quelques-unes des plus célèbres, de ces grandes horizontales qui vont faire la pluie et le beau temps à la belle époque à Paris. On commence par Apollonie Sabatier. Vous vouliez nous en parler. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, elle a, si vous aimez les fleurs du mal de Baudelaire, elle y est. Cette femme-là est assez exceptionnelle. On la classe comme une grande horizontale, même si elle n'a peut-être pas été aussi pavanée de bijoux dans les rues et tout ça. C'était vraiment plus une femme de salon. Une peintre qui vient d'un milieu quand même très modeste, mais d'une beauté qui faisait battre le cœur de Zola, de Baudelaire, de Théophile Gautier. Donc, elle va en fait fréquenter le monde des artistes de la Belle Époque et elle va devenir modèle. Et si vous allez au musée d'Orsay, il y a la femme mordue par un serpent qui est une sculpture où on voit cette femme nue avec un serpent qui s'approche d'elle. C'est le corps d'Apollonie de Sabatier, où on voit aussi que le corps de la femme à cette époque-là, il doit être en chair un peu. C'est pas le modèle rachitique qu'on aime. C'est la femme avec des seins, avec des hanches et c'est très sensuel comme sculpture. Et on suspecte très fortement que la toile, l'origine du monde, cette entrejambe velue, ce serait le sien. On n'a jamais eu de preuve de ça. Donc, elle a un impact par son corps et sa beauté, sa gentillesse, sa luminosité qui est évoquée par Baudelaire, entre autres. Et ça montre, c'est un très bel exemple, cette horizontale, que ces femmes-là auront aussi, laisseront des traces importantes dans l'art, en littérature, en peinture. On va les retrouver beaucoup, beaucoup. Elles font partie de l'univers de ces artistes qui les peignent ou qui les décrivent dans leurs romans. Autre grande horizontale célèbre, Caroline Otero, dite la Belle Otero. Ça va être vraiment une espèce de déesse de la Belle Époque, cette femme-là. C'est une déesse de la Belle Époque qui nous arrive d'Espagne. Augustina del Carmen, son vrai nom d'origine, mais qui a une vie épouvantable, dire, elle est violée à l'âge de 11 ans. Elle va être sous l'emprise d'un proxénète. Et c'est un banquier, en fait, qui va la voir, qui va la trouver magnifique et qui va la sortir de là et la protéger et qui va l'amener à Paris où elle va apprendre à danser. Elle va apprendre à poser aussi. Et c'est une des premières qu'on va voir dans les premiers films Lumière. Ah bon? Une des premières danses érotiques de l'époque, c'est la Belle Otero qui va la réaliser. Elle va connaître une popularité exceptionnelle pour cette raison-là, ce qui va lui permettre de faire des tournées. Donc, contrairement à certaines qui restent confinées au milieu parisien, ou français. La belle Otero, de par sa beauté, de sa façon de bouger, de jouer aussi dans les pièces de théâtre des femmes étrangères, parce qu'elle a l'accent, va aller jusqu'en Russie, va même aller aux États-Unis, donc elle se promène partout. Et c'est une vedette, vraiment. Une vedette qui aura des hôtels particuliers, qui va savoir entretenir les gens. Et c'est quand même la maîtresse de grands banquiers de l'époque. Donc elle a un pouvoir, parce qu'elle joue avec les argentiers. Ouais. Mais c'est Léopold, on en parlait tout à l'heure, de Belgique, va être complètement amoureux de cette femme-là, va l'entretenir très, très bien. On l'appelait la sirène des suicides, parce qu'à l'époque où les duels étaient encore légaux, il semble y avoir eu suicide et duel pour avoir ses faveurs. Elle a eu le choix pendant longtemps, mais c'est une femme qui peut-être qui savait pas gérer l'argent. Ouais. Par contre, ça arrivait, ça ressortait. Ben voilà. Elle en aura beaucoup d'argent, mais elle le gère mal. Vous disiez, elle joue au théâtre. Elle joue aussi beaucoup au casino. Écoutez l'extrait qui suit. Guillaume Rose, qui est de la Société des Bains de Mer. Cette société-là, c'est la société qui gère les casinos et les hôtels de Monaco, qui nous raconte au micro d'Élodie Mialet à l'émission Visite privée diffusée à France 2 en 2017 ce que la belle Otero sera obligée de faire à la fin de sa vie, parce que Laure Adler le disait, mais souvent, il y a un déclin après quelques années. Alors, à partir du moment où elle va s'installer sur la Côte d'Azur, la belle Otero va continuer à jouer. Et elle va jouer tellement qu'elle va perdre en tout, on peut considérer, 2,5 fois la valeur du casino de Monte-Carlo, de la construction de ce casino. Donc, elle a fait gagner énormément d'argent à la Société des Bains de Mer. On peut considérer qu'elle est la bienfaitrice de la Société des Bains de Mer à sa manière. Elle a perdu tout cet argent, ou elle a fait perdre tout cet argent. On arrive dans les années 50, et début des années 50, elle est totalement ruinée. Et là, elle va solliciter une aide de la SBM. Ça révèle d'abord la situation absolument dramatique de la belle Otero, qui en est réduite à demander la charité, il n'y a pas d'autre mot. Et puis ensuite, ça montre aussi qu'elle est écoutée, puisque la Société des Bains de Mer prend la décision assez incroyable, et qui ne s'est pas beaucoup vue depuis, où que ce soit dans quelques casinos du monde, prend la décision de dire oui, elle a un passé tellement glorieux, nous lui devons quelque chose, nous allons l'aider. Alors, la belle Otero réussit avec cette petite pension à s'en sortir, mais c'est pas le grand luxe. Mais ça nous amène, Évelyne Ferrand, à parler de... Ça aussi, Laure Adler en parlait au tout début de l'émission, mais c'est parfois très difficile, la fin de vie de ces femmes. Ben oui, quand la beauté se fane. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là sont pavanées partout, qu'elles ont les honneurs qu'elles ont, c'est qu'elles sont belles, mais la vie rattrape n'importe quelle femme et elles se fanent. Et à ce moment-là, elles n'ont plus la popularité qu'elles ont. Il faut dire aussi que la Première Guerre mondiale tue ce mode de vie qui a été celui des grandes horizontales. Donc, celles qui vont vivre après la Première Guerre mondiale vont avoir des fins de vie où ce n'est plus permis. Ouais. C'est plus quelque chose qui existe. Et de toute façon, la manière dont on vit en société, même en France, ça n'existe plus. Donc, ces femmes-là se retrouvent avec à changer un mode de vie et elles ne connaissent rien d'autre. Et elles sont arrivées très jeunes et donc elles dilapident leur fortune et finissent souvent oubliées et ruinées. Donc la belle Otero a fini à cuisiner sur un petit poêle au gaz ses repas, là. On termine avec une autre, mais non la moindre, une autre grande horizontale, celle qu'on appelle la comtesse Virginia, en fait, de Castiglione. Mm-hmm. Écoutez un extrait à l'émission Alain Decaux raconte, diffusée en 1975, qui va nous situer déjà assez bien la force et l'importance de ce personnage. Il y a 6 000 invités dans la salle du bal. Une cohue par conséquent. Des gens qui dansent, qui tournoient au son de la valse. Imaginez d'ailleurs cette image étonnante. Les lustres qui scintillent, les miroirs, les glaces, les robes ravissantes et les bijoux des dames, les uniformes chatoyants des hommes et leurs décorations. Bien tout ce monde danse. Et il se passe ceci, d'étonnant. Virginia s'avance vers le trône de l'empereur. Et cependant qu'elle s'avance, les gens arrêtent de danser. Et peu à peu, les couples se figent. Tout cela pour voir cette femme et sa beauté. Alors elle s'incline, elle fait une révérence devant le trône de Napoléon III et de génie. Et puis elle s'en va s'asseoir dans un salon de jeu un peu plus loin. Alors immédiatement, on l'entoure. Elle est la vedette de la soirée. Alors elle est là, elle est heureuse, tout le monde lui parle, madame. Et puis tout le monde se fige. C'est l'empereur. L'empereur qui a quitté son trône et qui vient saluer Madame de Castiglione et parler avec elle. Et nous savons que la liaison a commencé presque aussitôt. La Castiglione qui a reçu une lettre de son cousin Carvour qui lui dit ceci. Réussissez, ma cousine. Réussissez par les moyens qu'il vous plaira, mais réussissez. Et elle réussit. Ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est que quand il s'approche d'elle, il aura une liaison avec elle, l'empereur Napoléon III. Dans le parc derrière. Il joue avec le feu parce que, et ça va faire partie de l'histoire des Horizontales, certaines, c'est le cas de la Castiglione, elle est espionne, carrément. Oui, là, c'est un niveau différent. Elle est envoyée à Paris par Victor Emmanuel II, qui a déjà été un de ses amants. Elle a 18 ans, Napoléon III en a 45, et elle est vraiment envoyée pour séduire Napoléon III, pour arriver à faire des contacts diplomatiques et à essayer d'amener la France à aider Victor Emmanuel II à amener la fameuse indépendance italienne et l'unification italienne qui se produira là, à la fin du 19e siècle. Alors, elle a un jeu politique hyper important, ce qui fait qu'à sa mort, le secrétaire d'État italien va même brûler tous ses papiers pour ne pas qu'on voit tout ce qu'elle a fait au nom de l'Italie et du Piémont d'un point de vue diplomatique. Mais oui, ça donne... Donc, Napoléon III l'amène dans le parc derrière et c'est là que la première relation semble avoir eu lieu. Alors, c'est moins romantique peut-être. Et ça dure à peu près 2 ans parce que l'impératrice Eugénie n'appréciera pas du tout cette fameuse comtesse, mais c'est une femme par la suite qui, tant que sa beauté est belle, va réussir à se faire entretenir et à entretenir les gens. Et elle, on la retient pour la photographie. Ouais. Elle va exprimer tout ce qui est le déclin du corps d'une grande beauté vers la fin à travers 450 photographies qu'on possède en grande partie aujourd'hui. Donc ça, c'est remarquable. Un tout petit mot en terminant, Évelyne Ferrand, sur cette figure-là, la figure de l'horizontale. Comment elle se compare à la geisha ou à la concubine, par exemple? Une des différences, c'est leur grande liberté. La geisha, elles appartiennent à des maisons. Elles ont des matrones, en fait, qui gèrent les maisons. L'argent ne leur revient pas toujours directement. Ça va à la maison. La geisha a beaucoup moins de liberté et elle est plus là pour divertir et son degré de conversation ne doit pas toujours aller trop vers la politique. Ça dépend des époques. Rendu à la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est quand même une autre chose. Les concubines, ça dépend d'où on est dans le monde parce qu'il y en a eu partout. C'est sûr que les concubines ont parfois pu influencer les décisions politiques de sultans ou de grands empereurs un peu partout. Et là, elle se rapproche peut-être un peu plus de la grande horizontale. Mais la grande horizontale, sa grande liberté, c'est que si je suis très belle et au sommet de ma gloire, oui, ça va faner un jour, mais tant que j'y suis, si tu ne me plais pas, ben, y a quelqu'un d'autre qui va me vouloir et qui va m'entretenir de toute façon. Alors, j'ai la liberté de me promener d'un homme à l'autre si ma beauté fait ma renommée, donc une publicité autour de ça. La concubine, elle est déjà affiliée directement à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que dans cet univers-là, elles ont quand même une certaine autonomie, une grande liberté que les autres n'ont pas eue, de par la possibilité d'avoir le choix et de se montrer à tout le monde. La concubine, elle est gardée. La geisha aussi, on les garde auprès de l'homme qui les entretient, alors que la grande horizontale, elle est dans les cabarets, elle est partout. Alors, c'est un peu différent quand même comme univers. Évelyne Ferrand, c'était passionnant, historienne, habituée de l'émission. Merci beaucoup, Évelyne. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.